A 01 42 84 12 96 B 06 18 73 58 43 C 05 88 64 80 00 D 01 30 71 15 15 E 05 61 75 02 12 F 02 40 68 76 94